comme là, avec la guerre en Ukraine, les amis, tu sais, je veux dire, les Américains, entre autres, puis le Canada, puis l'Angleterre, qui sont en train de faire une guerre par procuration en Ukraine, eux autres, ils vont encourager ça jusqu'aux derniers Ukrainiens. Ils s'en calissent des vies humaines. Moi, dès le début, je disais, il faut que Zelensky démissionne, déclencher des élections, puis des pourparlers pour refaire les accords de Minsk, puis ces affaires-là. Mais non, nous autres, là, ils tiennent mordicus, il faut à tout prix qu'ils aient dur, puis qu'il y ait le plus de morts possible. Ben non, mais... Ils ont réussi au niveau des médias à faire croire que Poutine est en train de perdre la guerre parce que Poutine, au début, il est allé attaquer en premier pour des raisons stratégiques. Il est allé beaucoup à l'ouest attaquer des points stratégiques pour des raisons militaires avant de s'en retourner ce compte-là. Fait que là, ça a eu l'air comme s'il avait essayé de faire la conquête de toute l'Ukraine. Puis là, il avait été repoussé vers l'est par les forces qu'on pourrait dire, entre guillemets, alliées, là. Oui. Mais dans le fond, c'est pas ça l'affaire, c'est parce que Poutine il a commencé par aller détruire des objectifs stratégiques jusque dans l'Ouest pour être certain d'entamer le plus possible la machine de guerre ukrainienne, si on peut dire, des certaines usines d'armement, des choses comme ça, avant de se retourner, se concentrer sur ce qui est son objectif. Mais c'est un peu par logique là, qu'il a fait ça. C'est normal d'aller. De détruire des objectifs qui pourraient être contrés un petit peu plus loin pour qu'on avoir la paix. Donc, T'sais, autrement dit, avoir. toi, tu vois ça comme étant le fruit d'une stratégie, plutôt que d'un manque de vision qui aurait voulu l'amener à commettre une blitzkrieg, un peu comme les Allemands qui attaquent sur plusieurs fronts en même temps, là, pour déstabiliser Poutine, l'ennemi. il veut pas l'Ukraine au complet. Il l'a dit pourquoi qu'il. Mais en même temps, il avait déclaré qu'il voulait désanifier, enlever les nazis dans toute Ouais. l'Ukraine. Ben, c'est la phase 1, c'est-à-dire de détruire des objectifs militaires dans toute l'Ukraine pour qu'il y ait le champ libre dans l'Est. Mais là, si ça continue puis que les Américains ou d'autres, ils font acheminer dans l'Ouest de l'Ukraine de l'armement offensif puis tout, ils vont retourner dans l'Ouest détruire ça pour des raisons stratégiques de protéger le front à l'Est, avoir continué à solidifier les positions puis avoir la paix. Mais, tu sais, je veux dire, le champ libre plus, là, que Non, je la comprends paix. pour consolider ses positions, là. Ben oui, c'est normal, c'est de même que ça marche, une guerre. Une guerre tactique, là, par rapport au terrain, là. C'est sûr que si tu peux, tu vas essayer de détruire plus loin certains. Tu sais, comme en plus, tu es un joueur d'échecs, Poutine. Dans le sens qu'il sait comment, au niveau des lois implacables de certains. T'as une logique de base, là, au niveau tactique, t'as pas le choix d'agir d'une certaine façon. Cette guerre-là, avec la bonne volonté, s'il y avait de la bonne volonté de la part de ce qu'on pourrait appeler les forces atlantistes, c'est-à-dire les pays membres de l'OTAN, que dans le fond, c'est les États-Unis qui sont aux commandes. Là, je veux dire, c'est un secret de Polichinelle, puis même des Canadiens, je veux dire. La Russie, dans le fond, moi, logiquement, elle serait supposée avoir déclaré la guerre là, plus large que ça, mais Poutine n'est pas suicidaire non plus. Fait qu'il ne Tu sais, s'engage dans le pas sur le sens terrain de politique. la guerre mondiale, bien qu'il fait miroiter Satan 2 pour Ouais, faire ben là. trembler l'Occident, la menace du missile de nucléaire intercontinentaux rapide. Ben techniquement, la guerre nucléaire, c'est le premier qui frappe qui gagne. Donc c'est très inquiétant. Mais le Canada. Puis. Ben, c'est comme juste la guerre en ce moment qu'il y a en Ukraine. Au niveau des services secrets, des choses, on est très, très, très impliqués. Si Poutine, il déclare une guerre mondiale, puis qu'il décide d'abattre les principales têtes de cette bête-là, là, si le Canada va être attaqué, ça va être une des cibles. Bien, c'est sûr que quand on regarde toute l'implication du Canada, un peu comme les États-Unis, mais c'est sûr qu'à notre échelle, là, nous autres, on ne dépensera pas 30 milliards là, en soutien d'armement, mais à notre échelle, on en donne beaucoup d'armement à Ben là, l'Ukraine, là. les États-Unis et le Canada sont en guerre contre la Russie en ce moment. C'est juste pas officiel. Je veux dire, ça revient au même. Si moi, je paye quelqu'un pour sacrer une volée à quelqu'un d'autre, Bien, tu implicitement, c'est ça. Exactement. sais, la façon qu'y agissent les Américains, puis même, je dirais, l'OTAN, puis les Alliés en général, Ben, je veux dire, ils vont financer ça jusqu'au dernier Ukrainien, s'il faut. Ils s'en foutent. Ils en ont rien à faire du monde. Pour eux autres, là, c'est comme des objets. C'est comme du bétail, c'est comme des. Mais en Ils même temps, quand s'en. tu regardes qu'est-ce qui se passe dans les médias, là, on fait de la levée de fonds pour les Ukrainiens, pour qu'ils aient accès à de la nourriture, des biens. Puis quand on va aux stations-service, j'ai été récemment à une station-service, puis il y avait sur un écran une image, voulez-vous faire un don pour les gens en Ukraine? Les populations, c'est un peu comme on est invité, entre autres, à la financer cette guerre-là d'une certaine façon. Il n'est pas dit que ton don va aller à aider des réfugiés. Si on regarde l'histoire de l'Europe, là, les Allemands, les Britanniques, se sont souvent montrés profondément méprisants puis racistes envers les Slaves. Puis, il n'y a pas une empathie si extraordinaire que ça. L'homme, c'est un jeu d'hypocrite. Le monde, ils savent au fond que cette guerre-là, c'est une guerre par procuration, puis que c'est une chicane entre les Américains, puis en apparence, en tout cas, là, c'est ça qui sort de prétexte entre les Russes puis les Américains. Puis c'est les Ukrainiens qui sont en train de mourir.